L'orfèvre. Un jeune orfèvre, vous l'avez sans doute entendu dire déjà, avait pour son chef-d'œuvre l'an passé tiré la plus fine chaîne d'or qui se fût jamais vue, et d'un travail si menu, si délié, si subtil, qu'il transporta d'admiration les ouvriers les plus adroits de la ville. Ensuite, l'artiste avait imaginé d'attacher par la caisse à sa chaîne d'or une gentille et mignonne puce, qui, par ses sauts, ses tours, ses minauderies, divertissait les spectateurs, aussi plaisamment que le fit jamais le plus agile singe de bateleur. Mais il vient, de ces jours-ci, de se surpasser lui-même. Il a fabriqué une boîte d'argent grande tout au plus comme un grain d'orge, dont les parois, cependant, portent, gravées au burin, l'histoire entière de la guerre de Troie, et où il peut enfermer à clé la jolie puce enchaînée. Cela est merveilleux. Les plus riches bijoutiers de la cité l'ont acheté en se cotisant et n'ont pas jugé indigne d'eux d'en faire présent à la jeune princesse. Celle-ci l'a reçue fort agréablement. Elle garde avec grand soin ce cadeau aussi rare que précieux. Plusieurs fois le jour, et même la nuit aussi, elle ouvre la menue boîte. Aussitôt, la puce bondit avec sa chaîne sur la blanche et délicate main que lui tend sa maîtresse. Rassasiée d'un quart de goutte de sang, elle se rejette ensuite dans sa cassette, d'où la dame ferme à clé le couvercle. Enfin, c'est plaisir à voir. Qui n'a qu'un œil, souvent le torche. Qui n'a qu'un fils, fait le fou. Qui n'a qu'un pourceau, le fait gras. Qui n'a qu'une fille, en fait merveille.